AXA, premier assureur des pros. Mon fils, il est dans les chiffres. Il les examine, il fait des analyses, il a son cabinet, comme les médecins. Soutenir son fils, pour Carole, rien de plus normal. Comprendre son métier, c'est une autre histoire. Chez AXA, on vous comprend. Nos conseillers accompagnent les pros en moyenne pendant 13 ans. AXA. Plus d'informations en agence ou sur pro.axa.fr. Étude pépite CSA 2022. Bon podcast avec AXA. LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Le dernier cri d'Antonin Artaud. À Vladimir Porcher, directeur de la radiodiffusion. Monsieur, vous me permettrez d'être un peu plus que révolté et scandalisé par la mesure qui vient d'être prise en dernière heure contre ma radiodiffusion pour en finir avec le jugement de Dieu. Vous n'ignorez pas avec quelle curiosité cette émission était attendue par la grosse masse du public qui en espérait comme une espèce de délivrance. Moi, l'auteur, bien décidé à ne rien laisser passer qui pût léser le goût, la moralité, les bonnes mœurs, la volonté d'honneur, qui pût d'autre part suinter l'ennui, le déjà-vu, la routine. Je voulais une œuvre neuve et qui accrocha certains points organiques de vie. Une œuvre où l'on se sent tout le système nerveux, éclairé comme au photophore, avec des vibrations, des consonances, qui invitent l'homme à sortir avec son corps. Poursuivre dans le ciel cette nouvelle, insolite et radieuse épiphanie. Et qu'est-ce que vous nous foutez là, monsieur Artaud ? Antonin Artaud, 4 février 1948. Oh, dénoncez là, monsieur Artaud, des choses bien bizarres. Je pense que cette interdiction l'a vraiment beaucoup affecté, parce qu'il pensait avoir réussi quelque chose et que... D'autre part, le désir d'Artaud, c'était d'être lu ou entendu par le plus grand nombre. Paul Thévenin. Et en plus, il avait évidemment cherché à faire quelque chose qui s'approchait à ce qu'était pour lui la représentation idéale. Qui suis-je? D'où je viens? Je suis Antonin Artaud. Et que je le dise, comme je sais le dire, immédiatement, vous verrez mon corps actuel voler en éclats. Et se ramasser sous 10 000 aspects notoires, un corps neuf, où vous ne pourrez plus jamais m'oublier. Et savez-vous ce que c'est au juste que la cote? Comme ça? Non, je ne le sais pas. La veille de la diffusion, l'émission a été censurée parce que... Evelyne Grossman. Alors, ça avait fait du bruit déjà avant même... qu'elle soit diffusée, il y avait toute une série d'articles qui étaient parus dans la presse et qui se méfiaient de ce que Antonin Artaud, réputé fou, à juste titre, pouvait bien inventer comme émission qui allait être diffusée comme ça sur la radio officielle, en quelque sorte. Donc, l'émission est censurée pour obscénité. L'homme, quand on ne la tient pas, c'est un animal érotique. Il a en lui un tremblement inspiré. Une espèce de pulsation productrice de bêtes sans nombre qui sont la forme que les anciens peuples terrestres attribuaient universellement à Dieu. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Anne Pérez. Très vite, la presse va rendre compte de la décision de Vladimir Porcher et va amplifier ce climat quelque peu exalté, fantasmatique, autour d'Antonin Artaud. Olivier Penaud-Lacassagne. Combat, par exemple, dès le 4 février, rencontre de la mesure d'interdiction en ces termes. Monsieur Vladimir Porcher craignait le momo cru. Tempête autour d'un micro, titre le journal Franc-Tireur. Et l'Aurore... L'émission de l'ex-aliéné de Rodez aura-t-elle lieu? Oui, répond un révérend père dominicain. Non, maintient M. Vladimir Porcher. Voilà dans quel climat on se trouve à ce moment-là. J'ai été malade toute ma vie. Les malades et les médecins. Et je ne demande qu'à continuer. 1946. Car les états de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance les crédonces petites bourgeoises de la bonne santé suffit. Les électrochocs, c'est vrai, il avait eu surtout pendant, avant l'asile de Rodez, de 1937 à 1943, donc pendant les années les plus terribles de la guerre, le sort de pensionnaire d'asile d'aliénés, ce qui n'était pas du tout enviable, qui du point de vue de la nutrition était au-dessous de la normale, et on sait parfaitement qu'il y avait une mortalité énorme parmi ce qu'on appelle les aliénés, simplement parce qu'ils n'avaient pas de quoi manger. La médecine soudoyée ment chaque fois qu'elle présente un malade guéri par les introspections électriques de sa méthode, qui a passé par l'électrochoc, ne remonte plus jamais de ses ténèbres. C'est une époque très particulière pour Orto, dans la mesure où il a été accueilli à Paris comme une sorte de héros, parce qu'il était libéré de l'asile. Vous voyez, il y a une espèce de coïncidence temporelle, la libération de Paris, et puis Orto qui devient véritablement un mythe du poète qui a été enfermé, qui a passé près de 9 années de sa vie dans des asiles psychiatriques, et qui donc est libéré aussi, et qui va être accueilli par quelques amis, et puis de façon plus large par toute l'intelligentsia française, les artistes, les écrivains, les poètes, André Breton, qui vont vraiment faire tout ce qu'ils peuvent pour, comme s'ils avaient une culpabilité à payer. Il souffrait, je crois, de tous côtés. Marthe Robert. Donc, à cet égard, sa solitude était totale. Et aussi parce que Antonin Artaud n'était pas quelqu'un avec qui on pouvait partager des idées. On ne partageait rien avec Antonin Artaud. On le recevait. Et parfois même, on subissait un ascendant que, même si on n'est pas porté spécialement à la mystique et au mysticisme, ce qui est mon cas, il y avait effectivement quelque chose d'assez inquiétant. Cela a commencé 4000 ans avant Jésus-Christ. Aliénation et magie noire. Cette technique. 1946. Thérapeutique de la mort longue. Et la médecine moderne, complice en cela de la plus sinistre et crapuleuse magie, passe ses morts à l'électrochoc afin de bien chaque jour vider ses haras d'hommes de leur moi. J'y suis passé. Et ne l'oublierai pas. Artaud, à ce moment-là de son existence, Artaud, il jouit d'une image qui lui est certainement à la fois favorable et qui en même temps est très défavorable, qui est très défavorable à son œuvre. C'est-à-dire que l'image d'Artaud, le mythe de l'initié, le mythe du fou génial, entretenu par la presse, et pas simplement par la presse à sensation, est désastreuse pour Artaud, pour l'œuvre d'Artaud. C'est-à-dire qu'elle interdit en réalité le lecteur d'approcher avec une certaine sérénité cette œuvre. Et la réputation d'Artaud fait obstacle dès ce moment-là à l'œuvre d'Artaud. Il allait mourir en mars 1948. Il lui restait plus beaucoup de temps à vivre. Mais c'est quand même une période extraordinairement fructueuse, d'inspiration très, très vivace pour lui, où il va écrire quelques-uns de ses textes les plus beaux, en particulier le Van Gogh, Van Gogh, le suicidé de la société, qui est pratiquement son dernier texte. Et puis cette émission radiophonique qu'il a longuement organisée avec des textes qu'il a sortis de ses carnets de brouillons, et qu'il a écrit aussi spécialement pour cette émission radiophonique, parce que pour lui, ça devait être le symbole de ce que pouvait être son nouveau théâtre de la cruauté. Il y a la peste, le choléra, la variole noire, que parce que la danse, et par conséquent le théâtre, n'ont pas encore commencé à exister. Si on essaie de situer un petit peu, de resituer cette histoire de théâtre de la cruauté, ça remonte aux années 30, 1930, lorsque Artaud écrit toute une série de texte théorique sur ce que doit être un nouveau théâtre. Une des grandes idées d'Antonin Artaud à cette époque, c'est de redonner vie au théâtre, d'en finir avec cette coupure qu'il juge absolument mortifère entre la scène et la salle, de faire un théâtre vivant, un théâtre corporel. Ça, c'est une des grandes idées d'Antonin Artaud. La terre se peint et se décrit sous l'action d'une terrible danse à qui on n'a pas encore fait donner épidémiquement tous ses fruits. Inventer un nouveau théâtre qu'il appelle le théâtre de la cruauté, et il y a toute une série de textes qu'il écrit dans les années 30 et qui seront publiés dans ce fameux recueil d'Artaud qui s'appelle Le théâtre et son double, qui paraîtra en 1938 au moment où il vient d'être enfermé dans un asile psychiatrique. Il n'est rien que j'abomine et que j'exècre tant que cette idée de spectacle, de représentation, donc de virtualité, de non-réalité. Donc, quand il sort de l'asile, l'idée qu'il a, c'est de poursuivre cette aventure du théâtre vivant, du théâtre de la cruauté, d'un théâtre qui va faire revivre, alors, à la radio, ce qui pour lui doit être une sorte de surrection du corps. Non pas résurrection, sur le modèle christique, mais surrection, insurrection, révolte. Et donc, ça produit cette émission très étrange et qui a été diffusée sur les ondes de la radiodiffusion française. Pour en finir avec le jugement de Dieu, de Antonin Artaud. J'ai appris hier. Toutougouri, la recherche de la fécalité. La question se pose de. Conclusion. Enregistré le 28 novembre 1947 avec Roger Blin, Maria Cazares, Paul Thévenin et Antonin Artaud. Eh bien, on en arrive à cette proposition faite par Fernand Pouet à Antonin Artaud à l'automne 1947. Pouet, c'est le directeur des émissions dramatiques et littéraires de la radio, une radio publique, qui propose donc à Artaud de préparer une émission pour un cycle intitulé « La voix des poètes ». Et ce sera, pour en finir, avec « Le jugement de Dieu ». Alors, les enregistrements des textes ont lieu entre le 22 et le 29 novembre 1947, et une séance ultérieure est prévue pour l'enregistrement des bruitages, xylophone, tambour, timbales, gong, cris et puis les passages anglo-solali. Artaud avait souhaité un équilibre des voix et des timbres, voix masculine, voix féminine. Deux femmes et deux hommes sont donc au travail ici. À Fernand Pouet, Ivry, 16 janvier 1948. Cher monsieur, en ce qui concerne le texte d'ouverture, on peut couper à partir de « faire et fabriquer des soldats » jusqu'à « pour se battre, il faut recevoir des coups » et j'ai vu beaucoup se battre les Américains. Le montage général se distribue comme suit. 1. Texte d'ouverture. 2. Bruitage. Qui vient se fondre dans le texte dit par Maria Cazares. Et en bas, comme au bas de la pente amère. 3. Danse du Tutuguri. Cruellement désespéré du cœur. 4. Bruitage, xylophonie. S'ouvre le cercle des cycles. 5. La recherche de la fécalité, dit par Roger Blin. Là, ça sent la merde, ça sent l'être. L'homme aurait très bien pu ne pas chier, ne pas ouvrir la poche anale. Mais il a choisi de chier. Comme il aurait choisi de vivre, au lieu de consentir à vivre mort. 6. Bruitage et mon cri dans l'escalier. 7. Une sorte d'opéra qu'il écrit. Donc, il leur fait répéter des textes qu'ils vont dire et qui seront enregistrés. Et lui-même, Artaud, qui était acteur, faut pas l'oublier, va interpréter un certain nombre de ces textes. Alors, il les interprète de façon très étonnante pour nous maintenant, à l'oreille, à la fois grandiloquente, volontairement grandiloquente, et qui est l'inverse même du naturel. Il fait varier sa voix en hauteur, elle passe des aigus, un aigu qui se veut féminin, une voix de vieille femme, volontairement. À des accents beaucoup plus sombres ou masculins. Donc c'est une voix qui est ressentie comme folle, je crois, qui déchire les oreilles littéralement, mais volontairement, il veut déchirer les oreilles. Il ne faut pas que le spectateur reste intact. Il faut qu'il soit littéralement déchiré. Il travaillait sans souffle. Et du reste, il faut dire que c'était assez surprenant de voir cet homme si décharné, qui avait l'air apparemment d'avoir si peu de force, arriver à tirer de lui-même des sons d'une telle intensité, enfin d'une telle violence. De quelque côté qu'on vous prenne, vous êtes fou, mais fou à l'idée. Cette émission doit être diffusée le 2 février 1948. Annonce en a été faite au préalable, dans les journaux radiophoniques et dans la presse. Et cette annonce va avoir des effets désastreux pour Antonin Artaud. Apparaissent donc à ce moment-là des articles sensationnels qui donnent à cette diffusion annoncée un caractère à la fois exalté et inquiétant. On parle même d'une sorte de symphonie de cris d'animaux et on prévient l'auditeur de l'apparente obscurité, c'est-à-dire de l'hermétisme de ce texte, voire du côté choquant, parfois obscène même, des propos enregistrés. Et les rumeurs sont telles que Vladimir Porcher, qui est le directeur général de la radiodiffusion française, souhaite entendre l'enregistrement avant sa diffusion, ce qu'on ne peut pas lui reprocher. L'audition, en réalité, va, dans son esprit en tout cas, confirmer les bruits de couloir et le carnaval journalistique. Vladimir Porcher entendit, comme la rumeur le lui suggérait, il entendit des sons horribles, des cris d'animaux, des obscénités révoltantes, et il décida d'interdire la diffusion de cette émission. Pouet va proposer une médiation, il va tenter de corriger le jugement rendu par Vladimir Porcher. Il décide de faire entendre l'émission à un jury composé d'écrivains, de journalistes, d'artistes, et même ce qu'on appelle des hommes de conscience, parmi lesquels on trouve Raymond Queneau, Jean Paulhan, Paul Éluard, Jean-Louis Barrault, Jean Cocteau, et notez également la présence du révérend père Laval, un dominicain, un églésiastique. Je vous rappelle le titre de cette émission, projetée pour en finir avec le jugement de Dieu, sa présence oui, n'est pas anodine. Oui, même un prêtre, ce qui a bien amusé Artaud. Donc voilà, dans le texte qui a été publié de cette émission, il y a toute une série de lettres aussi qu'Artaud va échanger avec divers correspondants pour défendre son émission et puis pour expliquer que ça n'avait rien d'obscène ni d'offensant, que ce qui est obscène et offensant, c'est la société dans son entier et pas son émission à lui. Et à quoi vous a servi, monsieur Artaud, cette radiodiffusion ? À dénoncer un certain nombre de saletés sociales officiellement reconnues et recommandées. Alors, ce jury va donner un avis favorable presque unanime et espère que ce jugement favorable va infléchir la position de Vladimir Porcher. Au contraire, Porcher, craignant les scandales, les réactions scandalisées des auteurs restent inflexibles. En opposition avec son directeur, donc, Pouet va démissionner. Artaud lui enverra une lettre, lui adressera une lettre dans laquelle il le remerciera de cette position courageuse qui a été la sienne. Lettre à René Guilly. Monsieur, j'ai cru rêver ce matin en lisant votre article dans Combat. Je me fais de ce fameux grand public une bien plus haute idée que vous-même. Je le crois infiniment moins pourri de préjugés que vous ne le pensez. il faut tenir à péché et à crime le fait d'avoir voulu interdire à une voix humaine qui s'adressait pour la première fois en ce temps au meilleur de l'homme de s'exprimer. Les livres sont des tombes, monsieur René Guilly. Le devoir, je dis bien le devoir de l'écrivain, du poète, n'est pas d'aller s'enfermer lâchement dans un livre dont il ne sortira plus jamais, mais au contraire de sortir, dehors, pour secouer, pour attaquer l'esprit public. Sinon, à quoi sert-il? Vous voyez, il résume ce qu'il dit en disant, justement, dans une des lettres, c'est une lettre qu'il écrit à René Guilly, journaliste à combat. Il dit « Cette émission était la recherche d'un langage que n'importe quel cantonnier ou bougnat eût compris, lequel apportait, par la voix de l'émission corporelle, les vérités métaphysiques les plus élevées. » Voyez ? Et là, il met sur le même plan l'émission corporelle et les vérités métaphysiques. Parce que ça ne se distingue pas. Parce qu'il joue sur émission, émettre, au sens de, déjà, de la messe. Il s'agit d'une messe, hein. Ite missa est, c'est la même étymologie pour la messe et l'émission. Donc, il fait une espèce de messe noire via la radiodiffusion. J'ai appris hier l'une des pratiques officielles les plus sensationnelles des écoles publiques américaines et qui font sans doute que ce pays se croit à la tête du progrès. Il paraît que parmi les examens ou épreuves que l'on fait subir à un enfant qui entre pour la première fois dans une école publique, aurait lieu l'épreuve de la liqueur séminale ou du sperme, et qui consisterait à demander à cet enfant nouvel entrant un peu de son sperme afin de l'insérer dans un bocal et de le tenir ainsi prêt à toutes les tentatives de fécondation artificielle qui pourraient ensuite être tentées. Car de plus en plus, les Américains trouvent manque de bras et d'enfants, c'est-à-dire non pas d'ouvriers, mais de soldats. L'ouverture du texte est une ouverture politique. Et deux axes structurent cette ouverture politique. Il nous parle ici du sperme qui serait recueilli par les autorités américaines pour, auprès des enfants, pour de futures tentatives d'insémination artificielle. Pourquoi ? Pour faire face à la Russie de Staline. Et, d'autre part, mue par une volonté de domination intégrale du monde, eh bien l'Amérique aura besoin de soldats. Il lui faudra fabriquer des soldats, toujours plus de soldats, pour les guerres planétaires à venir. C'est la première dénonciation d'Artaud. Deuxième point de cette ouverture, la dénonciation de l'usinage insensé du monde, c'est-à-dire la critique de l'exploitation intégrale de la nature, la mise à sac de la nature, ce qu'il appelle dans ce texte la belle nature vraie, par le capitalisme. Et que ce soit le règne, enfin, de tous les faux produits fabriqués, de tous les ignobles ersatz synthétiques, la belle nature vraie n'a que faire. Plus de fruits, plus d'arbres, plus de légumes, et par conséquent, plus d'aliments, mais des produits de synthèse à satiété. C'est un discours qui déborde largement la politique, c'est l'idée de l'Occident contre ce qu'il appelle l'Orient, c'est-à-dire une espèce de fatras syncrétique avec toutes sortes de choses. Pour lui, il faut que la littérature, le théâtre, l'art en général, retrouve ce fond d'énergie magique que les Indiens Tarahumara connaissaient encore, que les druides irlandais, sans doute, connaissaient encore. Ils s'intéressent pour ça à tous ces rituels magiques des anciennes civilisations. Et c'est comme ça que commence, pour en finir avec le jugement de Dieu, où il fait une opposition très forte entre, d'un côté, l'armée américaine, qui a gagné la guerre, et de l'autre, les Indiens Tarahumara, c'est-à-dire d'un côté le perfectionnement technique, technologique, qui est du côté de la mort pour lui, même s'ils ont gagné la guerre, qui est du côté de la manipulation du vivant. Et il dit des choses là qui sont très en avance, même pour son époque, sur la reproduction sexuée. Voilà. Et de l'autre côté, il y a les Indiens Tarahumara, leur rituel magique, le sorcier, qui est du côté de la vie. Et c'est cela qu'Artaud essaie de faire, d'inventer un rituel pour la radio-télévision française en 1948. De retrouver l'archaïque de ces cris, de ces bruitages, de ces souffles, pour, théoriquement, un moyen de radiodiffusion moderne. Et c'est ce choc des cultures qu'il essaie de jouer à la radio. Ce qu'il veut, c'est un théâtre primitif, si l'on veut. Un théâtre de la force, de l'énergie. De même qu'il a toujours condamné le théâtre occidental, qui est un théâtre psychologique qu'il ne supporte pas. Et c'est ça qu'il dit dans ce texte sur les Américains. J'aime mieux le peuple qui mange à même la terre d'où il est né. Je parle des Tarahumara et qui tue le soleil. Pour installer le royaume de la nuit noire et qui crève la croix des espaces. Il ne faut pas perdre de vue ce qui constitue le fil principal de l'œuvre d'Artaud. Cette intuition très précoce chez lui que l'homme s'était trompé de route. Il le sait dès sa correspondance avec Jacques Rivière, c'est ce qu'il essaie de dire en des termes qui, en 1947, peuvent paraître lointains. Il le répète sur la scène du Théâtre de la Cruauté de 1932 et de 1933. Il le redit au Mexique de manière on ne peut plus claire. Ce message s'obscurcit dans un délire mystique pendant la période asilaire. Et au sortir de cette période asilaire, engagé dans une déconstruction de cette scène qu'il a lui-même construite et que peut nommer mystique, spiritualiste ou métaphysique, dans cette déconstruction émerge à nouveau, très clairement, la possibilité de cet autre monde vers lequel toute l'œuvre d'Artaud tend. Ça a commencé au Mexique, en fait, l'effondrement d'Artaud, sans doute. Son théâtre à Paris n'a absolument pas marché. Ça a été un gouffre financier. Il a mis en scène une pièce qu'il avait lui-même écrite, qui s'appelle « Les Chenchi ». Il n'y a eu que quelques représentations, et donc les représentations se sont arrêtées. Il a eu un sentiment très fort d'échec. Comme si toute son aventure pour le théâtre de la cruauté était complètement terminée, avortée. Et il a résolu de partir au Mexique en 1936 pour retrouver ce qui, pour lui, devait être les racines authentiques de la culture, ce qu'il appelle la culture rouge, c'est-à-dire la culture des Indiens avant la période hispanique. La terre de charbon noir est le seul emplacement humide dans cette fente de rocher. Le rite est que le nouveau soleil passe par 7 points avant d'éclater à l'orifice de la terre. Et en effet, il partira un mois dans la Sierra Tarahumara à la rencontre des rites des anciens Indiens. Il subira ou demandera à être initié à la culture du peyote. Et donc, il retrouvera ces rites dont il avait rêvé une bonne partie de sa vie, des rites archaïques, des rites primitifs, qui, selon lui, représentent quelque chose de ce que devrait être le théâtre. C'est-à-dire un théâtre charnel, un théâtre habité, un théâtre sonore, dansé, crié, un théâtre que l'on vit et qui agit littéralement, et qui agit aussi bien sur celui qui le vit, l'acteur, ou le metteur en scène, puisqu'il ne veut plus faire de différence, mais sur celui qui n'est plus un spectateur en face, sur celui qui participe littéralement. C'est ça qu'il va rechercher au Mexique. Et donc, après cette initiation au rite du peyote, il rentre en France. Il a passé quasiment un an au Mexique. Et quand il rentre à Paris, ses amis le trouvent encore plus étrange qu'avant son départ. Et il commence en effet à être quasi délirant. Oui, je dis une chose bizarre. C'est que les Indiens dans mon colon étaient, contrairement à tout ce qu'on a pu croire, un peuple étrangement civilisé. Et qu'ils avaient justement connu une forme de civilisation basée sur le principe exclusif de la cruauté. Dans La culture indienne, qui est un texte de novembre 1946, il dit être allé au Mexique pour prendre contact avec la Terre Rouge. Et il ajoute ceci qui me semble très intéressant. C'est ainsi que le grand secret de la culture indienne est de ramener le monde à zéro. Un ici-bas, de pierre et de terre, sans arrière-monde et sans au-delà. Et pour en finir avec le jugement de Dieu, est l'une des formes d'expression de ce monde sans arrière-monde, de ce monde sans au-delà, de cet ici et maintenant. Xylophone, gong, timbales, tambour, des instruments presque primitifs d'une certaine façon. On a besoin d'entendre ici le battement non pas du ciel, mais le battement de la terre, le bruit des pas Tarahumara sur la terre mexicaine, voilà ce que l'on entend ici. Et puis il y a les cris, il y a les passages glossolaliques qui constituent donc cet ensemble de forces libérées donc par Arto ici. Exactement comme il le fait à l'écrit, où il désarticule la syntaxe, il désarticule même les mots, il invente des syllabes, il essaie de faire cela dans le registre sonore. D'où l'importance du xylophone. Parce que le xylophone, c'est justement un instrument qui désarticule le son, pour lui en tout cas. Et puis il y a tout un jeu qu'il fait sur xylophone et schizophrène. On l'a accusé de schizophrénie, Arto le schizo. Et d'ailleurs, il revendique ça. Il revendique d'être un fou. Il revendique d'être un aliéné authentique, comme ils disent. Et c'est pas donné à tout le monde d'être un aliéné authentique. Et par conséquent, schizophrène. Et son corps, ça doit être un corps, comme il dit, xylophène. Quelque chose qui doit littéralement désarticuler son propre corps entre chorégraphie, écriture, danse, coups qu'il se donne avec la pointe de son crayon. C'est tout cela qui doit être entendu. État préparatoire. Instaurer par le théâtre de la cruauté le verbe vibratoire, systématique et méthodique. Ce que dit Arto dans ses textes théoriques sur le théâtre de la cruauté, c'est qu'il cherche comment les syllabes sont jetées dans l'espace. Et il chantait ces choses-là souvent. Il avait essayé de m'apprendre. Je ne sais pas si je suis parvenue à lire ses textes. Et je sais qu'il disait que vous, oui, il écrivait, que vous disiez Centre-Mer et Patrominet d'une façon parfaite. Mais peut-être il était indulgent. Ce qui est grave est que nous savons qu'après l'ordre de ce monde, il y en a un autre. Quel est-il? Nous ne le savons pas. Et donc Paul Thévenin, qui était une jeune femme à l'époque, qui avait abandonné son internat de psychiatrie, Paul Thévenin à l'époque va suivre littéralement Antonin Artaud, prendre des textes sous sa dictée. Et à la fin de sa vie, elle récupérera les petits cahiers d'Antonin Artaud. Donc c'est une fidèle. Elle fait partie des femmes subjuguées, amoureuses d'Artaud, comme d'autres, à la fin de sa vie. Et à qui il fait répéter ses textes pour qu'elles aient une diction qui ne ressemble à aucune voix. Elles ont des voix extraordinairement ralenties. Paul Thévenin lit ça comme si on était en train de les gorger. Enfin, c'est tout à fait étonnant d'entendre sa voix. Mais c'est Artaud qui l'a fait travailler pour qu'elle dise le texte de cette façon. Il inventait des airs. Il me disait d'inventer des airs pour chanter ces choses-là. Et après, être parvenu à dire ces syllabes, lui, il disait des syllabes que j'invente. C'était le terme qu'il employait, les syllabes que j'invente. Oui. Il retrouve le parler en langue des apôtres. Donc il y a le côté sacré des syllabes inventées. Ça, c'est justement ce qui fait que le Christ, c'est lui, Antonin Artaud. Il est capable, comme les apôtres, de parler toutes les langues du monde. Les syllabes inventées sont des syllabes qui n'appartiennent à aucune langue, qui sont, si on essaie de les rattacher à quelque chose, sans doute aussi des réminiscences de ces langues étrangères qu'Artaud a entendues quand il était enfant, parce qu'une partie de sa famille venait de Smyrne. Et il a entendu, quand il était enfant, parler grec, turc, italien, parce que sa nourrice était italienne. Donc, les locuteurs grecs ou turcs peuvent retrouver des syllabes parfois, mais ça ne sert à rien d'essayer de déchiffrer. Ce n'est pas une langue à déchiffrer, c'est une langue inventée. C'est la langue de l'inspiration, c'est une langue divine. Et en même temps, c'est une langue fécale, comme toujours chez lui, les deux sont liés. Et ces syllabes, il les appelle glossolalique parce que c'est dans la tradition des spirites, de ceux qui inventent des langues. Et en même temps, pour lui, ce sont des syllabes corporelles. Et il le dit, ce sont des syllabes animées, c'est-à-dire elles bougent, elles font toute une chorégraphie sonore. La langue commence à se réinventer. Ça devient une langue sans organes, la langue du corps sans organes, celle qu'il appelle des corps animés. Et à un moment, il y a ce passage que j'aime beaucoup chez Antonin Artaud, où il écrit « Théarto, théatro », vous voyez, pour montrer qu'il est devenu un homme théâtre, un homme tout entier de dessin, théâtre, poésie, chorégraphie. Voilà, les lettres de son nom même ont explosé sur la page. Et il essaie de les projeter dans cette émission sonore. Il y a toutes ces syllabes qu'il fait entendre. Pour exister, il suffit de se laisser aller à être. Mais pour vivre, il faut être quelqu'un. Pour être quelqu'un, il faut avoir un os. Ne pas avoir peur de montrer l'os et de perdre la viande en passant. L'homme a toujours mieux aimé la viande que la terre des os. C'est qu'il n'y avait que de la terre et du bois d'os. Et il lui a fallu gagner sa viande. Il n'y avait que du fer et du feu, et pas de merde. Et l'homme a eu peur de perdre la merde. Ou plutôt, il a désiré la merde. Et pour cela, sacrifié le sang. Oui, bien sûr. Ce qui intéresse Artaud, c'est justement le corps tout entier. Le corps avec toutes ses vibrations. Le corps infini. C'est-à-dire avec la fécalité, avec l'ensemble de ce que fait et de ce que vit et de ce qu'agit le corps humain. Le corps est une pile électrique, dit-il, qu'on a littéralement censurée, qu'on a canalisée, qu'on a restreint à une petite énergie acceptable. Or, le corps est explosif. Artaud défend ce qu'il appelle un corps atomique, par opposition au corps anatomique. Au corps réglé, canalisé, au corps qui justement ne veut rien savoir de la fécalité. Mais la fécalité fait partie du corps humain. Voilà. Et elle a une force explosive, et c'est ça qui intéresse Artaud. Il y a une insistance très forte qu'il met dans ce texte sur tout ce qui sort du corps, hein, et en particulier les plaies, les orifices, et tout ce qui fait que le corps humain est toujours au bord de l'explosion. Par tous ses orifices. Et c'est ça qu'il veut nous faire entendre et sentir dans tous les sens du terme. La psychiatrie dirait c'est caractéristique de la psychose. Parce que justement, le corps n'est plus canalisée, hiérarchisée avec ses différents orifices, avec une verticalité. Le corps d'Artaud, il fonctionne dans tous les sens, avec plein de trous. Et on le voit très bien dans ses dessins, et on l'entend dans son émission. En le faisant passer une fois de plus, mais la dernière, sur la table d'autopsie, pour lui refaire son anatomie. L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gratter cet animalcule qui le démange mortellement. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, pour ses organes. L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut lui refaire son anatomie. En le faisant passer, une fois de plus, mais la dernière, sur la table d'autopsie. C'est le mot que je ne trouvais plus, parce que c'est quand même extraordinaire. Faire passer l'anatomie sur l'homme. Et c'est dur à dire, ça. C'est dur à envisager. Sur la table d'autopsie, pour lui rendre sa vie. Parce que ce qu'on croit être la vie, c'est en fait l'enfermement dans un corps mort. Bon, et retrouve naturellement tous les thèmes platoniciens qu'il va parfois même citer explicitement. Le corps est une tombe. Lorsque vous lui aurez fait un corps sans organes, alors vous l'aurez délivré de tous ses automatismes et rendu à sa véritable liberté. Alors, vous lui réapprendrez à danser à l'envers, comme dans le délire des balmusettes, et cet envers sera son véritable endroit. Artaud était un toxicomane, les lèvres brûlées par les produits qu'il ingurgitait, et sans doute très défaillant sexuellement. Il en a fait biographique, hypothèse biographique, mais qui rejoint chez lui une ligne de pureté qui ne va cesser de s'amplifier. Et je dirais que l'expression maximale de cette sexualité ou de cette horreur de la sexualité humaine va s'exprimer après son voyage au Mexique et en Irlande, une fois interné, où il s'agira pour lui, et le rite du soleil noir, Tutuguri, le rite du soleil noir fait allusion à cela de manière assez lointaine, mais néanmoins c'est audible, il s'agit pour lui de redevenir chaste et vierge, c'est-à-dire de se faire un corps propre. Donc c'est ça qu'il faut enlever, le corps que la psychanalyse appelle le corps génital, ça on l'enlève, c'est un corps castré et qui devient infini. Refuse l'organe sexuel. Ce qu'on croit être une jouissance sexuelle, c'est une toute petite jouissance organique. Ça, c'est la jouissance bien-pensante. Mais en fait, la jouissance, elle est infinie. Elle est au niveau de l'éternité. Comme il dit, je suis l'infini. La lutte d'Antonin Artaud, c'est une lutte perpétuelle entre sa volonté créatrice et ce corps qui n'obéit pas. Il avait déjà, dans le théâtre de la cruauté, parler de l'importance corporelle, n'est-ce pas, de l'acteur. Mais c'était devenu, après Rodez, et après les expériences qu'il avait faites sur son corps même, n'est-ce pas, dans les différents asiles, il l'a écrit plus d'une fois, c'était une manière, n'est-ce pas, d'être conscient pour lui. La connaissance du corps est une forme de conscience, et il l'avait à un tel point que dans ses derniers textes, il parlait souvent de la bête qui le rongeait. Et quelque temps avant sa mort, c'est les souffrances qu'il avait, c'était devenu plus forte, n'est-ce pas? Il présentait des signes inquiétants physiquement, et je l'avais amené moi-même chez le professeur Mondor. Il avait subi plusieurs examens, on lui avait fait plusieurs radios, et il a été découvert à ce moment-là qu'il avait un cancer du rectum. Il ne l'a pas su. C'était inopérable et il était inutile de le lui dire. Mais quand on songe qu'il écrivait, n'est-ce pas, qu'il y a une bête lui rongeait l'anus, on pense qu'il avait cette connaissance extrême de son corps qui est tellement stupéfiante que Je ne peux que le constater, enfin. Car mon être est beau, mais affreux. Et il n'est beau que parce qu'il est affreux. Autre texte lu par Artaud, la conclusion de Pour en finir avec le jugement de Dieu. Avec cette phrase que je trouve toujours très intéressante, vous énoncez là, monsieur Artaud, des choses bien bizarres. Et dans ce texte conclusif, Artaud propose une définition de la cruauté. La cruauté, c'est d'extirper par le sang et jusqu'au sang Dieu, le hasard bestial de l'animalité inconsciente de l'homme partout où on peut la rencontrer. Qu'est-ce qu'Artaud veut nous dire ? En finir avec le jugement de Dieu, c'est en finir avec l'homme. L'homme est mal fait. Il faut le refaire pour le soustraire à cette animalité inconsciente qui le tyrannise, à laquelle il se livre avec complaisance. Il faut donc le mettre à nu, lui faire un corps sans organes, rendu à sa liberté. Et il s'agit là de la dernière expression de cette réfection corporelle de la prérodèse, un corps sans organes. Le poème « Le théâtre de la cruauté » énonce un profond rejet par Artaud de toute forme d'intériorité, de vie psychique, ce qu'il appelle la vie noire, l'occulte, l'obscène, le monde des démons, l'esprit ou la vie de l'esprit. Le corps sans organes, c'est l'expression ultime dans cette œuvre qui est interrompue par la mort d'Artaud, c'est l'expression ultime de cette exigence. Il n'y a rien d'existant et de réel que la vie physique extérieure. Dans « Pour en finir avec le jugement de Dieu », on a entendu la double proposition du titre, être jugé par Dieu, faire passer Dieu en jugement. Mais en réalité, la question que l'on pourrait se poser, est-ce vraiment de Dieu qu'il s'agit dans ce texte ? N'est-ce pas plutôt toutes les formes de croyance ? Je chie sur la croix. J'abjecte toute croix. Je suis pur. Je suis pur. Je suis pur. Je suis pur. Je suis pur. Je suis pur. J'abjecte tout signe. Je ne crée que des machines instantes d'utilité. Je suis pur, je suis pur, je suis pur, je suis pur, je suis pur, je suis pur, je suis pur. Il était absolument athée dans les premières années de son travail d'écriture, parce que, au plus profond de son délire, lorsqu'il est enfermé à l'hôpital psychiatrique de Rodez, il a une période de délire mystique. Il est difficile d'appeler ça autrement. Il avale des tonnes et des tonnes d'hosties dont il fait un usage quasi contraphobique. Oui. L'idée d'avaler des hosties pour se préserver de tous les démons qui le persécutent. Donc là, la religion va redevenir quelque chose d'extrêmement important pour lui, comme quelque chose qui le protégerait du diable, des démons, de ceux qui le persécutent. Jusqu'au moment où, en avril 1945, bref, il déclare qu'il rejette le baptême, il rejette toute la religion, et ça deviendra un des grands thèmes des derniers textes d'Artaud, puisque le Christ deviendra son rival, alors qu'en fait c'est lui, Antonin Artaud, qui est Dieu. Voilà, donc, dans « Pour en finir avec le jugement de Dieu », c'est d'abord cette idée. « Jugement de Dieu » est à entendre dans le double sens de refuser le jugement divin, mais dans un autre sens, faire passer Dieu en jugement. Et c'est cela, pour en finir avec le jugement de Dieu. De dire ce qu'il a vécu et de dire face à la société ce qu'il a traversé et souffert. Absolument, il y a une mise en accusation, c'est bien ça, en finir avec le jugement de Dieu, c'est on renverse les choses. Maintenant, c'est la société qui est jugée et Dieu représentant la société. C'est cela qui passe en jugement. Il le dit à un moment, hein, le devoir de l'écrivain, c'est pas de s'enfermer lâchement dans un texte, mais c'est au contraire de sortir dehors avec son corps et faire entendre des choses, maintenant qu'il n'est plus enfermé, maintenant qu'il peut à nouveau dire face à face à la société ses vérités. C'est pourquoi je ne me consacrerai plus jamais à la radio et me consacrerai désormais exclusivement au théâtre, tel que je le conçois, un théâtre de sang. Un théâtre qui, à chaque représentation, aura fait gagner corporellement quelque chose, aussi bien à celui qui joue qu'à celui qui vient voir jouer. D'ailleurs, on ne joue pas, on agit. Le théâtre, c'est en réalité la jeunesse de la création. Cela se fera. Alors il dira à la fin qu'il a un peu perdu son pari. Il y a une lettre très belle qu'il écrit à Paul Thévenin où il explique que ce n'est pas ce qu'il voulait faire. D'abord, ça a été censuré, évidemment. Et puis, il dit, là où il y a la machine, c'est toujours la mort et le néant. Il a été, en quelque sorte, rattrapé par la machine. Autrement dit, rattrapé par la machine, influencé par ses démons, par ses persécuteurs, par tous ceux qui ne croient pas en la magie, en la sorcellerie. Or, Artaud passe son temps à dire à tous ses amis, quand il est sorti de l'asile, la magie existe, la sorcellerie existe. Et il essaie d'être un sorcier, il essaie d'être un indien Tarahumara. Et c'est ça qu'il joue dans cette pièce. Et puis il se rendra compte que finalement, il y a une canalisation des ondes sonores qui font que, comme il dit, là où est la machine, c'est toujours le néant, et qui ne peut pas, aussi directement qu'il l'avait pensé, atteindre le corps des auditeurs. Il y a quelque chose là qui demeure inaccessible, qu'on ne peut pas atteindre. Il lui reste, il ne le sait pas encore, mais il le pressent, il lui reste très peu de jours à vivre, il disparaît quelques jours après l'interdiction de Porcher, et il faut garder à l'esprit que, pour en finir avec le jugement de Dieu, c'est presque une œuvre programmatique. Nous sommes là, plongés au cœur d'une écriture en train de se faire. Chaque mot appelle son déplacement, appelle le déplacement de son auteur. Chaque mot est posé là pour aller plus loin. Ça n'est pas une œuvre testamentaire, absolument pas. Le dernier mot n'a pas été posé par Artaud, etc., etc. La suite viendra. Comme la mienne. Pour l'asphyxier de toutes les fausses apparences, il répond universellement dans les espaces. Le dernier cri d'Antonin Artaud. Et c'est ainsi qu'Artaud, le Momo, peut prendre figure d'halluciné. Avec Evelyne Grossman et Olivier Penaud-Lacassagne. Merci à Céline Pardot. Lecture des états préparatoires de « Pour en finir avec le jugement de Dieu » et du théâtre de la cruauté d'Antonin Artaud, Sarah Chaumette, Archivina, Marie Chauveau, documentaliste, Anne-Lise Signoret et Antoine Vulloz. Mixage, Bernard Laniel. Coordination, Perrine Kervran, Marie-Vonne Abolivier et Mathias Mégy. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Anne Pérez.